Allô? Ouais, c'est moi là. Ouais. Tu descends ou quoi? Je suis en bas. Ouais, vas-y, j'arrive. Ok, Zimone dans la caisse, Marseille, ils ont gants en cuir, mec, ce soir, la lune est pleine et mortuaire, y'aura pas de type ni que sa mère, le cas était très tiré. Bien ou quoi? Laisserai. Tourner loin, j'ai la tête que je gargarise ça. Ouais, vas-y, tiens. La chaleur monte, un œil sur la montre. 23h30 tapante, j'ai les mains qui me démentent. Fallait pas quitter ce lien. On va lui mettre ce fils de putain, faut qu'il pèse la tête. Le plan est morbide comme les thèmes. Les ennemis, on les traîne par terre. Des pompes funèbres, un prestataire. Voilà, et puis là, ils le créent. Ouais, au goût amer, la vengeance froide, sa mère. Déter la hache, de guerre hardcore et déter. Frère, ça fera du bruit comme une rafale à place d'été. Ouais, faut que ça pète. Ah ouais. On est un peu en retard, c'est bon, j'ai localisé ce bâtard. Bouge jusqu'à la zone rouge. T'inquiète. Je crois qu'il y a une voiture banalisée qui nous suit. Vite, vite, tourne à droite, va falloir que t'appuies. T'as ce qu'il faut sur toi. Il y a une fuite, maintenant tu sais où il crèche. Fils de pute, près de la gare du Nord. Tu sais où il crèche, cet enculé, faut qu'il crasse la fraîche. Du plomb dans ses poumons, faut qu'il recrasse la recette. Au fait, t'as vu vos plaquettes, hein. Est sorti, faut qu'on fête ça au Réquan. Après nos bails, on passe le voiré. Obligé, pas besoin qu'on se fasse prier. Une sortie de tôle, faut qu'on la fête, ouais, non? Normal, normal. Ah putain, j'ai une petite faim, mais bon, laisse tomber, c'est pas grave, faut faire le taf, c'est tout. Eh, hey, t'as vu l'autre j'bep? Qui ça? J'crois qu'il s'est fait descendre pour une histoire de petite qui traîne à même club. Dis voilà, voilà, c'est vrai. Le gars s'est fait canner. Un VIP pour l'enfer, le compte sa mère. Crever à cause d'une petite chienne. C'est ça de vouloir jouer à la strap. Je maîtrise le truc mais tu parles en fait. C'est que du rêve. Contrôle même pas le cul d'une petite vierge. Ça se la pète, ils jouent les gangsters. Enfin bref, on dit que ça finit mal. En général, on voit le kebri que j'allume le truc. Oh, oh, oh. Tranquille ou quoi gros, qu'est-ce qui t'arrive? Sa mère. M'a porté la poisse ce bâtard. Avec son histoire de pute.